L'automne est arrivé, mais il ne faut pas oublier de penser à notre retraite et surtout de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de vous aider à atteindre votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer l'équipe dynamique et sympathique de Service financier Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe rappelle que l'achat local est vital pour protéger nos emplois et notre économie. C'est la chronique de la Ligue JMS avec Pierre-Luc Martin. Salut Pierre-Luc. Salut Daniel, ça va bien? Ça va bien. Pierre-Luc, on va commencer par la Ligue Midget Régionale. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a quelques matchs en fin de semaine passée, quand même assez tranquille. Oui, au hein? Niveau du junior, ouais, au niveau du junior, il y a eu deux matchs, puis Midget, je pense, seulement quatre matchs. Mais je vous dis, l'action de gare, c'est souvent ça, là, les équipes demandent des petits breaks, plusieurs joueurs en vacances, en mi-session. Donc, la chasse aussi qui vient chercher. La chasse, oui. Ouais. Oui, en plus, la chasse. Ouais. Donc, au niveau junior 2A, vendredi soir, les Aiglons-Delmas ont emporté 6-0 contre les Saguenay-Chicoutimi. Jonathan Dumont s'est illustré avec 2 buts. Et samedi, les Sables d'Andorra ont emporté 5-2 contre ces mêmes Aiglons qui venaient de gagner la veille. Thomas Tremblay et Simon David Fortin, 2 buts, 1 passe chacun. OK. Donc, c'était les résultats pour le junior 2A. Au niveau du classement, ça n'a pas changé beaucoup, je te dirais. Marquis sont toujours en premier avec 3 victoires, 0 défaites. Et ça, on a un bon début de saison. 3 victoires, 1 défaite. Suivi des Aiglons, des Sagues et des Éperviers. OK. Du côté maintenant du midget régional. Oui, midget régional, là, on a eu 4 matchs. Vendredi soir, les Sagues 1 ont emporté 7-3 face au Marcos Pop de Saint-Félicien. Samedi, les Castors de Dolbeau ont emporté 2 fois face aux ambassadeurs de Chicoutimi, 1-5-4 et le deuxième de 11-4. Okay. Et dimanche, les Sags 2 l'ont emporté 6-1 face aux Aiglons d'Alma. OK. Du côté du classement, là, on a une égalité en plein dans les Sags 2 et les Castors de Dolbeau à 3 victoires chacun, aucune défaite. Là. Les Sags 1 et les Aiglons sont tout de suite après ça, 3 et 4e. Est-ce que vous faites des joueurs par excellence de la dernière semaine ou quelque chose de même? Est-ce que ça existe? Non, pas cette année. Je sais pas si ça a déjà existé dans le passé. Moi, à ma connaissance, les dernières années, j'étais dans la Ligue, ça n'a pas existé. Là. Ouais. Mais c'est quand même une idée, je pense, qu'on peut amener là, pour les prochaines années. C'est quand même une très bonne idée. Ça valorise les joueurs en même temps, là, de semaine en semaine. Là. Ben oui, c'est pas mal intéressant aussi. Là. C'est pas mal. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est le fun pour les joueurs. Pierre-Luc, un gros merci. Ça fait le tour pour cette semaine. En fin de semaine, il y a combien de matchs en fin de semaine? Oui, en fin de semaine, quand même, une fin de semaine assez chargée dans le midget qu'au junior. Vendredi soir, on a Marco Sport de Saint-Félicien qui sont au foyer de loisirs de Jonquière pour affronter les Sags 2. Okay. Samedi, les ambassadeurs de Chibougamau sont 2 fois à Chicoutimi pour affronter les Sags 1. Et début de saison pour les 2 équipes de la Côte-Nord, les Basques et les Vikings s'affrontent à Bécomo. Dimanche, les Castors sont à Alma pour affronter les Aiglons. OK. Oui. Côté junior 2A, vendredi soir, les Aiglons sont à Chicoutimi pour affronter les Saguenayens. Samedi, 2 matchs dans le junior 2A, les Aiglons sont à Normandin pour affronter les Éperviers. Et les Marquis à Robert-Vert pour affronter les Sabres. Dernier match ensuite, je pense. Non, 2 autres matchs dimanche dans le junior 2A aussi. Les Éperviers sont à Jonquière pour affronter les Marquis. Et les Sabres sont à Chicoutimi pour affronter les Saguenayens. Ça okay. complète le calendrier pour fin de semaine. On s'en reparle la semaine prochaine? Oui, on s'en parle, pas de problème. Pierre-Luc Martin, le relationniste de la Ligue JMS.